بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Yasin, par le Coran plein de sagesse, tu es certes du nombre des messagers, sur une voie bien droite. Ce livre est une révélation du Tout-Puissant, du tout miséricordieux. Pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis et qui est donc insouciant. Déjà ma sentence est réalisée contre la plupart d'entre eux. Ils ne croient pas. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adhqan fahum muqmahun. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Déjà, nous avons mis des chaînes à leur cou, jusqu'à hauteur de menton, forçant leur tête vers le haut. Et nous avons placé un obstacle devant eux et un autre derrière eux. Puis les avons recouverts d'un voile épais, de sorte qu'ils ne peuvent plus rien voir. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين Que tu les avertisses ou non, cela leur est égal. Ils ne croient pas. Tu ne peux avertir que celui qui suit le rappel et qui craint le miséricordieux, en dépit du fait qu'il ne le voit pas, annonce à celui-là un pardon et une généreuse récompense. C'est nous qui ressuscitons les morts et nous inscrivons ce qu'ils ont fait pour l'au-delà, ainsi que les traces qu'ils laissent derrière eux. Et nous avons recensé toutes choses dans un registre explicite. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين Donne-leur comme exemple les habitants de la cité quand vinrent à eux des envoyés. Nous leur envoyâmes deux messagers, mais ils les traitèrent de menteurs. Alors nous en envoyâmes un troisième, et tous trois dirent, « Nous sommes envoyés vers vous. » Mais les gens dirent, « Vous n'êtes que des mortels comme nous. Le tout miséricordieux n'a rien révélé. Vous ne faites que mentir. » Les envoyés répondirent, « Notre Seigneur sait bien qu'en vérité, nous sommes envoyés vers vous. Et il ne nous incombe que de transmettre clairement le message. » تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Les habitants de la cité dirent, nous voyons en vous un mauvais présage. Si vous ne vous désistez pas, nous vous lapiderons certainement et vous goûterez à une torture atroce entre nos mains. Mais les envoyés répliquèrent, votre mauvais présage se trouve en vous-même. Est-ce parce qu'on vous rappelle la vérité que vous agissez ainsi? Vous êtes vraiment un peuple outrancier. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إني إذا لفي ضلال مبين. Et du fin fond de la cité, un homme vint en courant. Il dit, ô mon peuple, suivez les messagers. Suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie. Qu'aurais-je à ne pas adorer celui qui m'a créé et vers qui vous retournerez tous? Prendrai-je d'autres divinités que lui? Si le tout miséricordieux me veut du mal, leur intercession ne me servira à rien et elle ne saura point me secourir. Et vraiment, je serai alors dans un égarement évident. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. Certes, je crois en votre Seigneur. Écoutez-moi donc. Plus tard, il lui fut dit, entre au paradis. Ce à quoi il répondit, ah, si seulement mon peuple savait. Avec quelle magnanimité mon Seigneur m'a pardonné et m'a inscrit au nombre des honorés. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. Après lui, nous ne fîmes descendre sur son peuple aucune armée céleste. Nous ne voulions plus rien faire descendre. Il n'y eut qu'un seul cri, et ils furent tous exterminés. Hélas pour mes serviteurs, jamais ne leur est venu un messager dont ils ne se soient moqués. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ N'ont-ils pas vu combien de générations nous avons détruites avant eux, générations qu'ils ne verront jamais reparaître parmi eux. Et tous, sans exception, comparaîtront devant nous. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. Il y a pour eux un signe dans la terre morte de sécheresse. Nous la faisons revivre et en faisons sortir des grains dont ils se nourrissent. Nous y avons disposé des palmeraies et des vignes. Y avons fait jaillir des sources, afin qu'ils en mangent les fruits, et il ne s'agit point là de l'œuvre de leurs mains. Ne seront-ils pas reconnaissants? Pureté à celui qui a créé en couple toutes les espèces de plantes qui poussent sur terre, qui a créé les humains en couple, ainsi que d'autres espèces qui leur sont inconnues. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Il y a un signe pour eux dans la nuit. Nous la dépouillons du jour et les voilà dans les ténèbres. Et le soleil poursuit sa course jusqu'au lieu final qui lui a été assigné. Tel est le décret du Tout-Puissant, du Sage. Et la lune, nous lui avons assigné des phases successives jusqu'à ce qu'elle devienne semblable à une vieille branche de palmier desséchée. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chaque astre vogue sur une orbite qui lui est propre. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ. Un autre signe pour eux est le fait que nous ayons transporté jadis leurs descendants sur le bateau chargé, l'arche de Noé. Et que nous avons créé pour eux d'autres vaisseaux semblables sur lesquels ils montent. Et si nous le voulions, nous pourrions les noyer, et ils ne pourraient alors être ni secourus ni sauvés, sauf par une miséricorde de notre part, et pour qu'ils jouissent encore de la vie pour un temps. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ Et quand on leur dit « Cherchez à vous préserver de ce qui vous attend et de ce que vous laissez derrière vous, afin qu'on vous fasse miséricorde », ils ne s'en soucient guère. Jamais un signe de leur Seigneur ne leur parvient sans qu'ils ne s'en détournent. Et quand on leur dit « Dépensez de ce que Dieu vous a attribué », ceux qui mécroient disent à ceux qui croient « Quoi ? Nourrirons-nous ceux que Dieu, s'il vous les nourrirait ? Vous n'êtes que dans un égarement évident. » وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ Et ils ajoutent, « Dites-nous quand se réalisera cette promesse, si vous êtes véridiques. Que peuvent-ils attendre, sinon un cri qui les surprendra en pleine dispute ? Ils ne pourront alors ni faire de testament, ni retourner parmi les leurs. » ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون On soufflera dans la trompe, et voilà que de leur tombe, ils accourront vers leur Seigneur, en disant « Malheur à nous, qui nous a tirés du lieu où nous dormions. Voici ce que le Tout Miséricordieux avait promis, et les messagers avaient dit vrai. Il n'y aura qu'un seul cri, et voilà qu'ils seront tous amenés devant nous. Ce jour-là, nulle âme ne sera lésée d'aucune façon, et vous ne serez rétribués. » qu'en fonction de ce que vous faisiez. لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Ce jour-là, les gens du paradis trouveront le bonheur dans tout ce qu'ils feront. Avec leurs épouses, ils se prélasseront à l'ombre sur des divans. Ils auront là des fruits et obtiendront tout ce qu'ils réclameront. Et paix sera la parole de la part d'un Seigneur très miséricordieux. Ô vous les criminels, tenez-vous à l'écart ce jour-là. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Ne vous ai-je pas enjoint, ô fils d'Adam, de ne point adorer Satan, car il est certes votre ennemi déclaré, et de m'adorer, moi, tel était le droit chemin à suivre. Et pourtant, il a égaré un grand nombre d'entre vous. Ne raisonniez-vous donc pas? اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. Voici l'enfer qu'on vous avait promis si vous suiviez le diable. Brûlez-y aujourd'hui pour avoir refusé de croire. Ce jour-là, nous scellerons leurs bouches tandis que leurs mains nous parleront et que leurs pieds témoigneront de ce qu'ils auront accompli. Et si nous avions voulu, nous aurions éteint leur vue et ils auraient alors cherché la bonne voie à tâtons, car comment auraient-ils pu la voir? Et si nous avions voulu, nous les aurions figés sur place, de sorte qu'ils n'auraient pu ni avancer ni reculer. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. Celui à qui nous accordons une longue vie, nous inversons en lui le processus de création, le ramenant à un état de faiblesse, après qu'il ait été plein de vigueur. Ne comprenez-vous donc pas? Nous n'avons pas enseigné la poésie à Mohammed, et cela ne saurait d'ailleurs lui convenir. Ce Coran n'est autre qu'un rappel et une lecture claire. Pour avertir ce qui est vivant, la parole pèse, inéluctable sur les négateurs. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. Ne voient-ils pas que nous avons créé pour eux de nos mains des bestiaux dont ils sont propriétaires et que nous avons soumis à eux? Certains leur servent de transport, d'autres de nourriture. Et ils en retirent d'autres utilités et des boissons diverses. Ne seront-ils pas reconnaissants? واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. Ils ont adopté d'autres divinités en dehors de Dieu, dans l'espoir d'être secourus. Celles-ci, toutefois, ne possèdent nullement le pouvoir de les secourir, et elles formeront, au jour du jugement, une armée dressée contre eux. Que leurs paroles ne t'affligent pas, ô Mohammed, nous savons certes ce qu'ils cachent en eux-mêmes, aussi bien que ce qu'ils divulguent ouvertement. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme ? Le voilà pourtant devenu un ennemi déclaré. Oubliant qu'il a été créé, il nous propose une comparaison en demandant « Qui redonnera vie aux ossements lorsqu'ils auront été réduits en poussière ?» Dis, c'est celui qui les a créés la première fois qui leur redonnera vie, car il connaît parfaitement toute création. C'est lui qui de l'arbre vert a fait du feu pour vous, et à partir de cela, vous allumez vos propres feux. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Celui qui a créé les cieux et la terre ne serait-il pas capable de créer leur pareil ? Oui, bien sûr, car il est le Créateur suprême, l'Omniscient. Quand il décide une chose, son commandement se résume à dire « Sois », et elle est aussitôt. Gloire donc à celui qui détient en sa main la souveraineté sur toute chose, et c'est vers lui que vous serez tous ramenés.